Chapitre 32e. À quelque temps de là, monsieur de Carlepont, monsieur de Bléré, Henri et Gilbert entraient en France. Au premier aspect, Paris leur sembla petit, à la fois turbulent et mesquin. Ils y manquaient d'air. Que faire au bois de Boulogne, quand on a eu devant soi l'ombre des forêts sans fin? Un jour, Henri vit passer madame d'Albreuse sur la chaussée du boulevard, en petite voiture découverte. Un homme qui fumait était assis auprès d'elle. Elle avait du fard sur les joues. Il s'étonna d'avoir pu trouver tant de séduction à ses grâces maquillées. Un seul sentiment, celui de la pitié, se réveilla dans son cœur. De son côté, Gilbert, qui battait le monde avec fracas, se sentait vaincu par l'ennui. Un matin, M. de Bléré entra chez lui, une lettre à la main. Il avait l'air rayonnant. « Un de mes fermiers me montre qu'une bande de loups fait le diable dans son canton, » dit-il. « Je pars demain. » Et bien leur livrer bataille. Par exemple, je ne les tuerai pas tous, pour que la race prenne racine dans le pays. Êtes-vous du voyage? Volontiers. Vos loups et vous me rendez grand service. Et Henri? Henri, j'ai dit qu'il s'apprête à rendre visite à mademoiselle de la Morlaix, après avoir passé par la Cormelle. Il y pense donc toujours. Il y pense d'autant plus qu'il en parle moins. Et puis vous n'avez pas oublié qu'il est chargé d'une mission par monsieur de Lorgeril. Qu'il aille donc. « Moi, je vous suis. » Peu de jours après, Henri, étant à la Cormelle, reçut une lettre qui lui arrivait du fond de la Bretagne. « Ponkerley, ce 24 octobre 1850 et quelques. »« Il faut que tu saches tout. J'ai peine à comprendre ce qui se passe en moi, et tout mon cœur tressaille en t'écrivant. Et moi qui ne croyais pas aux aventures, il faut enfin que je me rende à l'évidence, il y a des coups de foudre. Mais d'abord, je dois te dire un mot de la vie que nous menons ici. Elle est charmante, je ne souhaiterais pas de meilleur en paradis. Il n'y manque qu'un peu de circassiens avec lesquels on ferait le coup de feu. Nous nous levons avec le jour, on déjeune solidement, comme il convient de honnêtes chasseurs qui font litière de leur corps. Un magnifique équipage de chiens raillés sous le fouet des piqueurs hurle dans la cour. Nous montons à cheval et l'on pousse en forêt. Qu'il vente ou qu'il pleuve, le temps n'y fait rien. Quand il n'y a pas de loup au rapport, on donne sur le sanglier. Faute de sanglier, on rabat sur les chevreuils. Monsieur de Bléré a trois meutes et quelques paires de briquets qui font merveille. Une heure après, on est en plein galop et c'est une musique à réjouir Saint-Hubert dans sa gloire. Monsieur de Bléré est comme un enragé. Point de fondrière, point de haie, point de roncier, point d'obstacle qui puisse arrêter son cheval irlandais. Cet animal est en fer. Je le suis de mon mieux et c'est un miracle que nous n'ayons pas le corrompu. Le pays est superbe. Des bois, des landes, des bruyères à perte de vue, quelques métairies, des hameaux tapis derrière un rideau d'arbres, un horizon gris, des chemins creux, un terrain tourmenté, semé çà et là de blocs de pierre avec des petits étangs qui luisent, de distance en distance, comme des miroirs. Des troupeaux de brebis à demi sauvages pèsent dans les environs. On dirait qu'on les a mis là tout exprès pour les loups. Nous en avons pour tout l'hiver. Le château est robuste, petit, carré, tout en pierre. Un vrai castel breton. La tempête et le temps ne mordront jamais sur de telles murailles. Les cheminées sont énormes. On y brûle des chaînes. La salle à manger est voûtée comme si on eût voulu la mettre à l'épreuve du boulet. Monsieur de Bléré prétend qu'il n'y a que cela de sérieux dans une habitation. La table épaisse porterait un bœuf. Le soir, on la couvre de quartiers de venaison dont la vue réjouirait ce fameux ermite de Copmanhurst, dont Walter Scott nous a raconté les prouesses. Nous ne rentrons guère au château qu'à la nuit tombante, et encore pas toujours. Il y a des heures où les loups se forlongent en plaine et piquent droit devant eux. Tu n'as jamais vu un loup en plaine, toi? C'est fort beau. L'animal va au trot, enlevé lestement par des jambes sèches et robustes qui défient les plus grandes fatigues. La bruyère et la forêt, le guéret et le marécage, il traverse tout et laisse tout loin derrière lui. Les chiens sont bientôt à bout de voix. Les novices bibaudent çà et là et donnent encore quelques coups de gorge, comme pour s'inviter à la course. Un fin limier, suivi de quelques camarades, qui se fient à son expérience, s'acharne seul à quêter sur la piste, mais à distance. Les cavaliers vont au grand train. On voit des clochers, on voit des fermes, et l'on va toujours. C'est ce qui m'a perdu. Le lendemain, on recommence, nous dormons les poings fermés. Les petites maîtresses ne se plairaient pas dans notre compagnie, mais quel appétit ! Tel devraient vivre ces vaillants chasseurs qu'on voit dans les vieilles tapisseries de haute lisse, armés des pieux et suivis de robustes compagnons sonnant de la trompe. Or, un soir, il y a 48 heures de cela, un maître loup que 10 balles ont égratigné sans le jeter par terre m'a conduit à travers champs dans une partie du pays où jamais jusqu'alors je n'avais pénétré. La nuit venait. Devant moi, un chemin sinueux, détrempé par une ondée. À ma droite, un bois noir, tout à l'entour des landes, aussi loin que le regard pouvait s'enfoncer, ni métairie, ni cabane, ni filet de fumée. Un désert. J'avais beau tendre l'oreille, point d'aboiement, point de hennissement. Aucun bruit de roue dans les ornières du chemin, je marchais au hasard. On ne me laissera que les os, bien sûr, me disais-je, en pensant à la table autour de laquelle mes compagnons de chasse devaient être assis. L'ombre, cependant, s'étendait sur la plaine. En ce moment, j'entendis un bruit sec et métallique, comme celui que ferait au loin le fer d'un cheval frappant les cailloux. Je poussai du côté d'où venait le son, et j'aperçus bientôt une femme qui galopait librement parmi les bruyères. Un dernier reste de clarté se mourait à l'horizon et traçait une bande d'un vert pâle sur laquelle sa silhouette élégante se détachait. Elle était fine, souple et légère comme une fée. Une longue robe d'un bleu sombre l'enveloppait, ne laissant voir que son corsage délicat. Son visage me parut charmant. C'était la grâce même. Un domestique la suivait à quelques pas. À mon approche, elle s'arrêta. Je la regardais, le chapeau à la main, sans parler. Alors, rompant le silence et rougissant un peu, « Qu'y a-t-il pour votre service, monsieur ?» me dit-elle. « Je ne crois pas que voix plus douce ait jamais frappé mon oreille. »« Mademoiselle, lui dis-je alors, je me suis égaré étant la chasse. J'habite à Pontkerlé chez monsieur de Bléré, et je cherche un chemin qui puisse m'y ramener par le plus court. »« N'est-ce que cela ?»« J'en connais un dans le voisinage. Nous y serons dans quelques minutes, et en le suivant, vous ne courrez plus le risque de vous perdre. » Ce chemin dans le voisinage me déplaisait. J'aurais voulu qu'il fût très loin et difficile à trouver. Je n'avais plus ni faim ni soif. Cependant, j'intervins tandis que l'inconnu tournait bride. « Ne pourriez-vous m'indiquer le chemin que je dois prendre sans vous détourner du vôtre, mademoiselle ?» lui dis-je. Et pour le dire en passant, « Tu ne saurais jamais ce que cette pauvre petite phrase m'a coûté d'effort. » « Non, » reprit-elle en secouant la tête, « la nuit vient et vous pourriez vous égarer de nouveau. » Elle poussa son cheval au galop et je me plaçai à son côté. Le croissant de la lune parut dans le ciel, vif et brillant comme une lame d'acier. La nuit était transparente et sereine. Nous courions, pareils à deux ombres, au milieu d'une plaine qui semblait n'avoir pas de limite. Je n'ai pas, tu le sais, l'esprit enclin au romanesque. Je trouvais cependant une douceur infinie dans cette course et j'aurais voulu qu'elle se prolongeât toujours. Ma compagne regardait bravement devant elle, autour d'elle, comme heureuse de vivre et de respirer, mais d'un air simple et sans effronterie. Un demi-sourire entr'ouvrait ses lèvres jeunes, et ses yeux interrogeaient avec une expression de joie les profondeurs confuses de l'horizon. « N'est-ce pas que c'est beau ?» lui dis-je tout à coup. « Et ce n'est cependant qu'une solitude, » répondit-elle. « Le ciel en haut et la lande partout, mais cela vous pénètre. » Grâce à Dieu, le chemin qu'elle cherchait n'était pas si près de nous que je le craignais d'abord. Je n'en voyais pas trace aux environs, et nous courions toujours. Nous étions alors en plein cœur de la lande. Parfois un buisson ou quelques petites flaques d'eau se trouvaient devant nous. Elle enlevait son cheval et franchissait l'obstacle d'un seul bond avec une rare aisance. Elle semblait charmée de ces menus accidents où elle dépensait l'activité de sa jeunesse. Aucune prétention dans son allure. Tout à coup, une de ces pierres énormes, qu'on pourrait prendre pour des dolmens, se rencontra au bord d'un fossé. Elle l'aborda résolument. Je poussai un cri en la voyant en l'air. Les pieds de son cheval égratignèrent dans leur élan le sommet friable de la pierre. Et elle se trouva de l'autre côté, où j'arrivai en même temps qu'elle, je ne sais comment. J'étais fort pâle. Elle arrêta sur moi un regard plein d'une bienveillance aimable. « N'ayez pas peur, me dit-elle, Gouldé ne m'a jamais trompé. » Comme si elle eût reconnu son nom, la jolie bête se mit à hennir. Sa maîtresse passa la main sur son col luisant et la dirigea sur un tertre d'où l'on découvrait une grande étendue de pays. Une bande d'un jaune pâle traversait la lande à une petite distance et se perdait dans les bruyères fermées au loin par un rideau noir. C'était le chemin. Mon guide me l'indiqua du bout de sa cravache. « Vous n'avez qu'à le suivre tout droit, me dit-elle, et dans une heure ou deux vous serez à Pontkerlé. » Comme elle parlait encore, une cloche sonna dans l'éloignement. Elle en compta les battements. « 8 heures, » dit-elle. « Allons, on n'aura pas eu le temps d'avoir trop peur. » Elle s'inclinait sur sa selle lorsque me découvrant. « Mademoiselle, Monsieur Gilbert de Lanta a l'honneur de vous remercier, » lui dis-je. Me trompais-je en croyant voir l'expression de la surprise et de la curiosité sur son visage, ses yeux me regardaient avec plus d'attention. « Monsieur Gilbert de Lanta, » reprit-elle avec l'accent d'une personne qui interroge ses souvenirs. J'ouvrais la bouche pour parler, lorsque, me saluant de la main, elle lâcha la bride à sa jument, qui partit comme une flèche. Un instant après, je vis sa forme charmante s'enfoncer dans la nuit, puis l'ombre l'enveloppa de 1000 plis, et ce ne fut bientôt plus qu'un petit point noir qui s'effaça dans l'obscurité. Le retentissement d'un galop lointain m'indiquait seul le côté par lequel elle avait disparu. Je ne te dirai pas dans quelle disposition d'esprit singulière j'arrivais à Pontkerlé. Cela se comprend mieux que cela ne s'explique. Jamais, au temps de nos plus grandes coquetteries, la princesse Vassilissa ne m'a causé un pareil trouble. Au moment où j'entrais dans le réfectoire voûté du vieux château, on achevait un de ces repas homériques qui retiennent les chasseurs pendant de longues heures, assis autour d'une table abondamment servie. « Ah, le voilà !» cria M. de Bléry qui m'aperçut le premier. Il me donna une vigoureuse poignée de main et me montra une place vide auprès de lui, mais le prenant par le bras et l'entraînant dans une pièce voisine, sans prendre garde aux 1000 questions qui me poursuivaient, je lui racontai tout ce qui venait de m'arriver. J'étais comme hors de moi. Il me regarda. « Eh bien, après ?» me dit-il. Ce simple mot me fit un effet extraordinaire. « Comment après ? » m'écriai-je. « Mais je veux savoir comment elle se nomme, où elle demeure, et tout ce qui la concerne. »« Ça, » reprit M. de Bléré. « Tu es donc amoureux de ta belle inconnue ?»« Amoureux, non, mais je l'aime. » Ce mot était venu avant la réflexion. M. de Bléré sourit. « Menez donc les gens en Circassie, » reprit-il, « et au retour, voilà ce qu'on trouve. » Je n'ai pas pu manger, je n'ai pas pu dormir. J'avais toujours de grands yeux devant moi. Ce qui m'étonnait le plus, c'était d'éprouver de telles sensations. Tu les as connues, toi, et je te prenais en pitié. Et cependant, que sont les autres bonheurs de la vie auprès de ce trouble intime qui vous bouleverse et vous ravit? Et quelle ivresse, quand la source de ce trouble est pure, jeune, et dans toute la fraîcheur du printemps. J'ai voulu savoir si cette agitation ne provenait pas d'un accès de fièvre produit par la course, l'heure, la singularité un peu romanesque de cette rencontre dans la nuit. J'ai attendu un jour, 2 jours, 3 jours, me fatiguant à la chasse et criant plus fort que tout le monde. Rien. Toujours ces 2 grands yeux. Bah, quelque chose me dit que je l'aime profondément, sincèrement. Je veux la connaître, je la connaîtrai. 27 octobre. Malheur. Je la connais. Elle s'appelle Léopoldine de la Morlaix. En lisant ces derniers mots, un frisson parcourut Henri des pieds à la tête. Hé, la bigorne ! Cria-t-il. Prépare ma valise et dis à Noël d'atteler le cabriolet. Je pars dans 1 heure. Déjà ? Fit la bigorne. Elle regarda son jeune maître et joignit les mains. Hé, Dieu bon, qu'avez-vous ? Reprit-elle. Vous êtes quasiment comme si vous alliez vous trouver mal. Monsieur le duc serait-il en danger ? Henri secoua la tête et faisant un effort sur lui-même. « Te souviens-tu de ce que tu me disais il y a quelque temps lors de mon dernier voyage à la Cormelle » reprit-il. « Et de cette promenade que tu me conseillais d'entreprendre ?»« Oui, oui. Eh bien, je m'y suis décidé tout à coup. Et c'est à cause de cette lettre. Ce n'est pas Mademoiselle de la Morlaix, cependant, qui vous écrit. Non, mais la personne de qui je l'ai reçue est auprès d'elle. » La bigorne appuya ses 2 fortes mains sur les épaules d'Henri et le regarda au fond des yeux. « Il y a quelque chose que vous ne me dites point ?» reprit-elle. « Vous n'allez pas au-devant d'un malheur, n'est-ce pas ?» Henri hésita, puis l'embrassant. « Non. Là où je vais, je trouverai M. de Bléré et Gilbert. Et M. le Duc, mon père, il n'y est pas, mais il y sera dès que je l'appellerai. »« Ah !» poursuivit la bigorne en secouant la tête. « Ce n'est pas tout. Mon cœur me crie qu'il y a quelque chose que je ne sais pas. Dieu vous garde !» Au moment où il quitta la Cormelle, Henri n'avait qu'une pensée, se rendre auprès de Madame de la Morlaix, voir Léopoldine, et s'il répondait à l'idée que son cœur s'en faisait, demandait hardiment sa main. Mais s'il aimait Gilbert ? À cette pensée, son esprit se troublait, et il ne voyait plus clair en lui-même. À la première ville où il s'arrêta, aux environs de Pontkerlé, il demanda le château de Madame de la Morlaix. « Dans 2 petites heures, vous y serez, » répliqua l'aubergiste chez lequel il était descendu. On lui prépara un cabriolet, et il partit. Le pays était bien tel que la lettre de Gilbert le lui faisait voir. Les bois et les bruyères se succédaient, entre lesquels de maigres cultures indiquaient l'approche des hameaux. Le conducteur, qui était loquace, lui parla beaucoup de Madame de la Morlaix. Il y avait peu de temps qu'elle était fixée dans le voisinage. Auparavant, elle habitait un beau château en Touraine. On ne savait pas quelle fantaisie l'avait poussée en Bretagne, et on ne lui connaissait pas de famille. C'était une personne dont on disait grand bien. Si M. Vache et Madame de la Morlaix pour y passer un bout de temps, il n'aura qu'à se laisser faire pour s'amuser, dit cet homme. Il y a nombreuses compagnies au château, et ce sont tous les jours des promenades, des parties, de la musique. On s'y rend de 10 lieues à la ronde. Au train de vie qu'on y mène, il faut croire que cette dame a de gros revenus. L'endroit, par exemple, est superbe, et ne ressemble point au pays que nous traversons. Il y a un parc où l'on pourrait bâtir une ferme, et dans ce parc, des arbres qui étaient déjà vieux du temps de la République. Une belle rivière est au beau milieu, et quand on aime la chasse, on y peut tirer des coups de fusil du matin au soir. Tout alentour, il y a des bois et des champs entretenus comme la chambre d'un curé. Tout cela appartiendra à un beau brin de fille qu'on appelle Mademoiselle de la Morlaix. Ah, fit Henri. Le conducteur s'interrompit et allongeant son fouet par-dessus la croupe du cheval. Hé, tenez, voici le château là-bas, derrière ces arbres. Il y a 4 tourelles. C'est un château de seigneur dans les temps passés. Henri aperçut au loin, sur la lisière d'une futaie, un vaste bâtiment à toit pointu où la pierre et la brique se mariaient. En ce moment, un lièvre qui filait à toutes jambes traversa le chemin comme un trait, poursuivi à distance par une meute de chiens qui hurlaient à plein gosier. Derrière eux venait une troupe de cavaliers qui sautaient par-dessus les haies et les enclos. En un clin d'œil, la bande escalada le talus de la chaussée et s'élança dans la campagne où on la vit s'éparpiller. Parmi les chasseurs, Henri venait de reconnaître Gilbert qui passait comme la foudre, monté sur un grand cheval gris de fer. Pour n'être pas reconnu, le voyageur se jeta au fond du cabriolet. « C'est lui, et je me cache !» pensa Henri. Un mouvement rapide le fit se pencher en avant et il appela le cavalier. Mais sa voix se perdit dans le tumulte de la chasse. 2 ou 3 femmes la suivaient. Parmi elles, aucune ne ressemblait à Léopoldine. Le conducteur, qui ne se tenait pas de joie, faisait claquer son fouet. « Eh bien, monsieur, dit-il, c'est tous les jours comme ça. » Emportés dans leur course, les chevaux soulevaient des tourbillons de feuilles mortes. Un clair soleil du mois de novembre éclairait la campagne, à laquelle le feuillage jaune et rouge des bois faisait une parure brillante. Une forêt se trouva devant les chasseurs, ils s'y jetèrent et on ne vit plus rien. « Si vous croyez que c'est tout ?»« Oh, que nenni !» poursuivit le conducteur. « Je parie qu'il y a bien encore 12 chevaux dans les écuries. Si le cœur vous en dit, vous n'aurez que l'embarras du choix. » Au bout d'un petit quart d'heure, le cabriolet entra dans une avenue de vieux ormes, au bout de laquelle se dressait un château tout entouré d'eau vive où se jouait une flottille de cygnes. Les bâtiments, fermés aux angles par des tours carrées à mâchicoulis et coiffés de hautes cheminées, avaient grand air. Ils se miraient dans de larges douves que des massifs de saules pleureurs et d'arbustes ombrageaient çà et là. Un perron de 5 marches pavé de larges dalles donnait accès dans les pièces du rez-de-chaussée et se reliait par un pont à une vaste cour d'honneur dont une grille et des communs de construction plus modernes enveloppaient 3 côtés. Si les yeux quittaient le château, on apercevait tout alentour des futaies séculaires, au travers desquelles de longues avenues vertes ouvraient leurs perspectives. Le vent s'y jouait et faisait rire le feuillage clair. La rivière sortait du milieu des massifs et traversait une immense prairie dont les ondulations reliaient le parc avec les campagnes voisines qui en étaient séparées par un seau de l'eau. Tout était lumineux et clair, dans le ciel comme dans la plaine. Les vitres du château, pris en écharpe par les rayons obliques du soleil, étincelaient et allumaient çà et là des incendies. La rivière avait des reflets d'or et d'argent, et par-dessus ses bords, le feuillage rouge des bois frissonnait dans l'air. Le passage des cygnes arrachait des éclairs à la surface transparente des douves. Tout brillait, tout vivait, tout riait. « Hein, qu'en dites-vous ? » s'écria le conducteur qui se tourna vers son voisin. On lui faisait admirer du geste un troupeau de vaches à l'or lustré qui paissait dans un pré dont l'herbe drue s'enfonçait parmi les futaies. Elle semblait être là pour le plaisir des yeux. On entendait dans la profondeur des bois le murmure d'une chute d'eau. À la vue de toutes ces magnificences, Henri se souvint de l'humble Cormel et sourit. N'était-il pas un peu comme ces pèlerins d'autrefois qui frappaient à la porte des palais, tout prêts à secouer la poussière de leurs pieds si l'hospitalité sainte leur était refusée? Un domestique se présenta en ce moment. Henri lui remit sa carte et le suivit dans une antichambre dont les hautes fenêtres s'ouvraient du côté du midi. Presque aussitôt, et tandis qu'il regardait autour de lui, une porte tourna sur ses gonds, et une figure jeune et gaie parut dans un rayon de lumière. C'était bien la même personne qu'il avait vue à cheval sur la porte de la Cormelle. Elle s'arrêta, interdite, en l'apercevant, puis, se remettant, et avec une grâce aisée. « Monsieur le marquis Henri de Carlepont, je crois » dit-elle d'une voix qui tremblait un peu. « Lui-même, mademoiselle. Et il a, ce me semble, l'honneur de saluer mademoiselle de la Morlaix. » Léopoldine sourit. « J'ai eu il y a longtemps l'occasion de vous inviter à nous venir voir, » reprit-elle. « Je vous en voulais un peu de l'avoir oublié. Mais puisque vous voilà, veuillez m'accompagner. Madame de la Morlaix est là. »